Yeah. Yeah. Yeah. This flow à la pro. Sky au mic, Bobby. Beatmaker and go. Bienvenue dans mon monde parallèle, yo. Ouais, bienvenue dans mon monde. Si pas de con, pas de chrome, pas de beat, son blanc. Rien que mon stylo et du flow. Bienvenue dans mon monde parallèle, yo. Ouais, bienvenue dans mon monde. Si pas de con, pas de chrome, pas de beat, son blanc. Rien que mon stylo et du flow. Comptez combien de chanteurs pourris jouent au con en balançant leur pimpin et pimpin. Ça a commencé à nous flégon et moi là. Posé au milieu, je fous le bordel. Appelle-moi MC Pépin. Quoi qu'il en soit, tente de squatter les oreilles. Puisqu'il joue avec le feu, j'ai prévu la poire d'essence pour m'infiltrer en douce comme une escouade parallèle. Enfoiré, j'ai l'aisance, bien caché, j'ai l'essence. Affûté, prêt à défendre la cause noble. Narrateur de désillusion, c'est Sky au micro. La ferme quand je cause, bonhomme. Dissolution, avancée du voile placé. De la rétine en amont, perspicace en un mot. Monde de merde. Heureusement qu'il y a les mômes, songe à les sauver avant qu'ils se fassent bouffer par la matrice. Tout ça matrice, mon monde parallèle en artifice. Dans mon monde parallèle, yo. Ouais, bienvenue dans mon monde. Si pas de con, pas de chrome, pas de beat, son nom. Rien que mon stylo et du flow. Dans mon monde parallèle, yo. Ouais, bienvenue dans mon monde. Si pas de con, pas de chrome, pas de beat, son nom. Rien que mon stylo et du flow. Sorti de mon monde, me là dans le vôtre. Et là, je vois bien que la merde inonde des trottoirs aux toitures. Sont tout misés sur le matériel ici. T'es plus rien sans voiture. Mes voitures pour vous berner à ce point-là. Soit vous êtes vraiment con, soit c'est vraiment des pointures. Au fond, sûrement un peu des deux. Et moi, paumé là-dedans, avance comme un dé. Toujours surpris parce que je vais trouver. Oyez, oyez, ouvrier de l'antiville. Prenez garde car le bout ralentit vite. Sortez du système de l'antichrist avant que ce soit vraiment la crise. Nos âmes dévorées par le démon. Moi, je trouve ça triste. Pointez-vous dans mon monde parallèle. Pas d'inscription, pas de liste. Pas de description, pas de vice. Rien que du beau et de la bonne basse qui dévisse dessous ma voice et des faces qui défoncent. Un réel kiff bien au-delà de ta fonce. Allez, fume ça. Bienvenue dans mon monde parallèle, yo. Ouais, bienvenue dans mon monde. Si pas de con, pas de chrome, pas de beat, son nom. Rien que mon stylo et du flow. Bienvenue dans mon monde parallèle, yo. Ouais, bienvenue dans mon monde. Si pas de con, pas de chrome, pas de beat, son nom. Rien que mon stylo et du flow. Ma personne en alien, pas ni la même dégaine côté. Nombrilise des gains, puis y'a que le big que je dégaine. Bien sûr, les simples, ça, les gènes comprennent rien à mes gènes, verraient mes textes. Ça leur filerait des angios. Mais ouais, j'ai le syndrome du stylo et j'aime ça gros. Milliers de phases, il est parallèle mon royaume. Ni règle ni maître, puisque sur mesure, bâti mesure après mesure, puis fire à mesure, au fil à fil, la vérité en démesure. Et file leur toile, les fils avant défiler des coups de poil. J'aimerais les voir aux 14 défilés à poil. La plume au cul, la larme à l'œil et l'arme ailleurs. Et encore là, je simplifie. Au cas où, pas faire péter ta simplifie. Sur ce, je me retourne au bercail qui m'aime. Me suivre et que les autres se taillent, pas de faux style. Ok, this flow à la prod, beatmaker and go. Bienvenue dans mon monde parallèle, yo. Ouais, bienvenue dans mon monde. Si pas de con, pas de chrome, pas de beat, son nom. Rien que mon stylo et du flow. Bienvenue dans mon monde parallèle, yo. Ouais, bienvenue dans mon monde. Si pas de con, pas de chrome, pas de beat, son nom. Rien que mon stylo et du flow. Bienvenue dans mon monde parallèle, yo. Ouais. Bienvenue dans mon monde. Si pas de con, pas de chrome, pas de beat, son nom. Rien que mon stylo et du flow. Bienvenue dans mon monde parallèle, yo. Ouais, bienvenue dans mon monde. Si pas de con, pas de chrome, pas de beat, son nom. Rien que mon stylo et du flow.